toutes les sorties passées, celle-là. Un sacré peu de moi. J'ai pas honte de dire de me retrouver à l'ouest des ça de pire en pire. Constamment à ingurgiter tout ce qui me passe sous le nez. Toujours faire de nouvelles découvertes en voyageant à l'intérieur de ma propre tête. Là mon passe-temps, voire même ma passion, c'est d'être plus souvent dans un état second. La tête hachée, c'est ça qui est bon. J'aime me retrouver dans un état second. La tête hachée, c'est ça qui est bon. J'aime me retrouver dans un état second. Mescaline, SD, amphétamine, THC. J'suis pas difficile, alors fais tourner. De CP ou des plans, de la gay ou des cartons. Vilain paquet si jamais ils sont bons. Légal ou pas légal, ça c'est pas mon problème. Je m'arrache la gueule, mais jamais chez moi tout seul. La tête arrachée, c'est ça qui est bon. J'aime me retrouver dans un état second. La tête arrachée, c'est ça qui est bon. J'aime me retrouver dans un état second. La na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na. T'es pas obligé d'écouter cette chanson. Hein. La tête hachée, c'est ça qui est bon. J'aime me retrouver dans un état second.